cours numéro 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-imam Ibn Hibban rahimahullah. Dhikru al-hathi ala ziyarati al-ikhwan wa ikramihim. Hada al-bab, c'est toujours lié à la fraternité entre mu'mine, entre le mahabba que le frère mu'mini doit avoir envers son frère croyant. Wa min thamarat hadhihi al-mahabba wal-ukhuwa, parmi les fruits de cette fraternité, de cette amitié et cet amour fillahi azza wa jal, ma dhakarahu huna al-imam Ibn Hibban rahimahullah. تقدم معنا dans le chapitre précédent l'importance de s'aimer entre croyants, de s'entraider. Il a akhri, wa fi hadha al-bab, il a cité une thamara, donc un fruit de cette mahabba, az-ziyara wal ikram. Az-ziyara, c'est le fait de se rendre visite. Fulan yazuru fulan. Fulan y rend visite à un tel. Al-ikram ma'ruf, c'est le fait de tukrim akhak imma biqawl, ça peut être qu'une parole, tukrimo, ça peut être avec un cadeau, ça peut être avec un service, ça peut être avec une nasiha. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالله او قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ثم قال فليكرم جاره. Donc c'est ça l'ikram, c'est prendre soin, honorer son invité, prendre soin de son frère, l'honorer avec des bonnes paroles, avec une visite fillah, quand il a besoin de son frère, enfin il trouve son frère à ses côtés. قَالَ ذِكْرُ الْحَثِ عَلَى زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ وَإِكْرَامِهِمْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنِ بْنُ سُفْيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدِ بْنُ صَالِحِ اليكشري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا. Donc النبي صلى الله عليه وسلم إلى ست الاستوار de cet homme زار أخا له في قرية, il a rendu visite à un de ses frères, Aïfillah, fi qarya, dans une autre ville, dans un autre village. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange sur la route, sur le chemin de cet homme. Fa cet ange, il a dit à cet homme, fa qala ayna turid, fa qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya. Donc l'ange, il a demandé à cet homme, Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Il lui a répondu, Uridu akhan li. Et je vais rendre visite à un frère dans ce village. Faqala lahu, ayl malak, il a dit à cet homme, Hal alayka min ni'matin tarubbuha. Est-ce que tu as une ni'ma, imma un service, imma quelque chose qu'il te doit, ou autre? Faqala, لا إلا أني أحبه في الله. L'homme il a répondu là, il ne me doit rien, je ne lui dois rien, je le visite simplement في الله. Ça nous montre النية الطيبة الخالصة. Hey, cet homme il a visité son frère لله. Et ça c'est une ibada عظيمة, c'est une adoration avec beaucoup de récompenses كما سيأتي. قال لا إلا أني أحبه في الله. Et كذلك, ça nous montre, ça doit être quoi la base d'une amitié entre mu'min. La base de notre fraternité, ça doit être هذا. إني أحبه في الله. S'aimer pour Allah Azza wa Jal. Si on s'aime pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, cet amour, il va engendrer d'énormes fruits. Parmi ces fruits, ce genre de visite. لله et في الله عز وجل. Allahu alam la distance que cet homme il a parcouru. Allahu a'lam, les sacrifices, combien il a dépensé, tout ça pour rendre visite à son frère. Lakin, c'est quoi qui a aidé cet homme à se déplacer? C'est ça. C'est pas pour un service. C'est pas pour demander telle ou telle chose. C'est pas pour profiter de quelque chose minette dunya. Abadan, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, l'ange, il lui a répondu ba'da dhalik, inni rasulullah ilayk. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ahabbaka kama ahbabta. Donc l'ange, il a dit à cet homme, je suis un messager d'Allah azzawajal. Et un ange, inna Allah tabaraka wa ta'ala ahabbaka. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime kama ahbabta. Comme tu l'as aimé. فتأملوا هذا الفضل العظيم cette énorme récompense. ولا شك أن الله عز وجل سلم عبد فسو عبد لا تغني. Allah lui facilitera tout ce qui concerne ce bas monde. كذلك il lui facilitera tout ce qui concerne l'au-delà. Il ouvrira les portes, il le préservera, il le protégera, il l'élèvera. Il lui donnera le dessus sur ses ennemis. Il lui portera son secours. عز وجل. Et s'il meurt à la hada al-hal, voilà, chacun Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera rentrer au paradis. Enfin, celui qui fait des efforts pour que Allah il aime, hada, il a tout compris. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Enfin, ça, c'est un maqsad adhim dans notre din. Le mu'min, il doit faire des efforts pour être aimé auprès d'Allah azza wa jal. Et on a déjà traité ce sujet. كثيرا ولله الحمد. نعم سحديث إلى في صحيح مسلم. On peut ajouter un hadith, hadith معاد ابن جبل رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في. الحديث أخرجه الإمام أحمد. الشيخ الألباني رحمه الله لا أوتنتيفيه دوتخ صار وجبت محبتي. Ça c'est un hadith قدسي. أي c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل قال وجبت محبتي. أي celui qui fait ces choses, فالله سبحانه وتعالى il les mord. قال للمتحابين في, ceux qui s'aiment في الله. والمتجالسين في, ceux qui se fréquentent pour Allah subhanahu wa ta'ala. والمتبادلين في, et le fait de se donner. Il donne à son frère لله عز وجل, et son frère s'il lui donne c'est في الله سبحانه. قال والمتزاورين في, c'est ça le شاهد de notre, pour notre درس. المتزاورين, أي ceux qui se rendent visite في الله عز وجل, comme on a, comme on a vu ensemble dans le hadith précédent. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل تعاهد زيارة الإخوان وتفقد أحوالهم لأن الزائر في قصد الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين. الواجب على العاقل, ça fait partie du bon comportement, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ça fait partie de la voie des salaf. Ziyaratu al-ikhwan, ay rendre visite à ton frère. Fa kam yafrah al-akh bi ziyarati akhi. Al-mu'min, il est très très content, il se réjouit quand son frère al-mu'min il lui rend visite. Comme on le répète, pas pour un service, pas pour une demande, pas pour une chose de dunya, il lui rend visite fillah. كذلك قال وتفقد احوالهم, كذلك pour prendre des nouvelles. هذا c'est muhim. Khassatan quand ce frère on ne le voit plus. C'est pas normal que un frère il tombe malade مثلا et personne ne lui rend visite. من اخوانه المسلمين. Khassatan dans la ville, dans l'endroit où qu'il est, il y a beaucoup de muslimin, mu'minin. Thomas, ce frère, il tombe malade, probablement une semaine, deux semaines, trois semaines, personne ne prend des nouvelles. Ça, c'est min al-dha'f. Ça, c'est min qaswati al-qulub. Ça, c'est un manquement azim. Limadha li anna al-mu'min, il n'est pas seul. Il a des droits, il a des devoirs. Il a, bien sûr, ses frères, ils ont des huquq sur lui. Ils ont des droits sur lui. On est une communauté. Et on doit suivre la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Et le Nabi sallallahu alayhi wasalam nous a enseigné beaucoup de choses. Min hadhihi al-huquq. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wasalam, il a cité plusieurs huquq raddu salam. Et lui rendre visite si il est malade, assister à sa janaza s'il meurt. كذلك تشميت العاطس اللي تيرن اللي تيرنو دي الحمد لله ودي رحمك الله beaucoup de hadith في هذا الباب. On doit faire attention de ne pas tomber dans l'égoïsme et penser qu'à nous et à notre petite famille. Là, le mu'min, il voit beaucoup plus loin. Bien sûr qu'il doit prendre soin de sa famille, bien sûr il a des responsabilités. Là, qu'il ne néglige pas كذلك حقوق الاخوان. Ils ont un haq azim, mais parmi ce haq ziyara wa tafaqqud ahwalihim. Si ce frère, il tombe malade, là, chacun d'entre eux, il aura des besoins. Et parmi les plus grands besoins qu'il aura, c'est qu'on lui rende visite. Li'anna ta'lamoun anna al-marid, quand il est malade et il se retrouve seul dans une chambre, encore plus si c'est à l'hôpital, c'est très très difficile. Li'hada, dans ce genre de situation, yadhar al-akh as-sadiq wal-muhib haqqan. C'est dans ce genre de situation que tu vois vraiment ton frère fillah azza wa jal qui t'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال لأن الزائر في قصد الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين. Deux choses concernant الزيارة, la visite. قال أحدهما استكمال الدخر في الآجل بفعله ذلك. La première chose, tu vas profiter de deux choses si tu rends visite à ton frère. La première chose, tu prépares des provisions pour l'au-delà. Et des hasanat, des récompenses, du ajr. Et là, chacun a le mu'min, il ne doit pas négliger ça. Une récompense énorme. Et parmi les plus grandes récompenses, c'est que c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce mu'min. Comme on a dit dans les hadiths qu'on a cités. ثم قال والآخر التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزور مع الانقلاب بغنيمتين معا. Et نعم, et la deuxième bien sûr, c'est concernant ce bas monde. التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزور. المزور, c'est celui qui se fait visiter. الزائر, c'est celui qui visite. فالمؤانسة, c'est le fait de rester avec lui, lui tenir compagnie. Fala chacun an le mu'min il apprécie hada. Fala hada qala Ibn Hibban at-taladdud. Al-ladha, c'est quelque chose qui a une saveur. Fala mu'min il va apprécier, il va profiter de ce moment avec son frère. Fa fa'idatun 'azima concernant l'au-delà, une énorme récompense et une fa'ida 'azima كذلك dans cette dunya. Anna ce mu'min il profite de cet instant avec son frère. خاصة si هذه الزيارة elle est faite avec adab, avec un bon comportement. كذلك cette زيارة elle est faite à des heures munasaba, des heures où ça dérange pas celui qu'on visite. Encore plus si cette زيارة elle est fondée sur l'ilm et da'wa, des conseils, des rappels. وهكذا المؤمن يستفيد مع أخيه. ثم قال, il a rapporté أثر قال حدثنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا محمد بن بشر الخطابي قال حدثنا محمد بن السهل التميمي قال سمعت الفريابي يقول جاءني وكيع ابن الجراح من بيت المقدس وهو محرم بعمره. وكيع ابن الجراح c'est un grand imam رحمة الله عليه من أئمة السنة. وكيع il a rendu visite à Al-Firyabi min bayt al-Maqdis wa huwa muhrim bi umra. Ta'ammalu hadha annahu il est parti faire la umra, ou il est en ihram plutôt, wa huwa muhrim bi umra, fa ka'annahu il est encore en état d'ihram pour aller faire la umra, et il est passé voir son frère Al-Firyabi. Fa qala ya aba Muhammad لم يكن طريقي عليك ولكن احببت ان ازورك. اي son intention c'était de faire la umra, et il a fait l'umra rahmatullah alayh, لكن مع هذا il a décidé de rendre visite à son frère. Ça nous montre ان الموفق quand il veut faire un bien, مثلا faire le hajj ou l'umra, il en profite pour faire des choses كذلك profitables pendant ce voyage. visiter un frère, visiter des savants, en profiter pour acheter des choses utiles, pour assister à des cours. Il a arrêté. Ça nous montre Hirsa Haoula Al-A'imma. S'efforçait à faire du bien. Il faisait Al-Umra et en même temps il rendait visite à leurs frères. قال لم يكن طريقي عليك ولكن احببت ان ازورك واقيم عندك فاقام عندي ليله. Il est resté chez lui un jour, une nuit. Donc il a dormi chez lui. قال وجاءني ابن المبارك. Deuxième visite. الامام الزاهد عبد الله بن المبارك من ائمه السنه. Il est connu عند الجميع. وقد احرم بعمره كذلك. Lui aussi devait faire la umra. قال ومن بيت المقدس فاقام عندي ثلاث. Abdullah ibn al-Mubarak, il est resté trois jours, trois nuits. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن. أي الفريابي, il a demandé à Abdullah ibn al-Mubarak, يا أبا عبد الرحمن, أقم عندي عشرة أيام. Il lui a demandé de rester avec lui dix jours. لماذا؟ لأن لا شك أن une visite d'un imam comme Abdullah ibn al-Mubarak, ça réjouit al-mu'min. كم سيستفيد من حيث العلم والأدب والأخلاق والنصح etc. Combien de profit, que ce soit un conseil, que ce soit un rappel, que ce soit dans la science, que ce soit par son comportement. Il a arrivé, il lui a demandé de rester 10 jours. Ça nous montre un al-mu'min. Il doit être content de la visite de son frère. Et il doit lui montrer هذا. أنه s'il veut rester, enfin, il reste, ben, il lui demande de rester. Il a akhiré. Qala, la. Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit la. Il ne pouvait pas rester. Al-ziyafatu thalathatu ayyam, comme a dit fil hadith. Il lui a dit, al-ziyafa, la'allahum, ils traduisent par l'hospitalité et le fait d'accueillir un invité, c'est trois jours. Tatbiq al-sunnah. Androu ha'oula. Il faisait des efforts pour appliquer cette sunnah, la visite, et cette visite كذلك, il y a des règles précises. Robama, plus de trois jours, ça peut être dérangeant, même si Al-Viriyabi lui a demandé, il a dit là, Al-Diyafatu Salatatu Ayyam. Et là, chacanna, Al-Insan, quand il rend visite à son frère, Robama, il a des autres choses à faire. Enfin, s'il lui donne son haq un jour, s'il peut deux, trois jours, Alhamdulillah, ziyara fiha khair. S'il peut même une après-midi, une heure, deux heures, فالحمد لله الزيارة فيها خير. كذلك هنا on a un point important. Vous avez remarqué أن الفريابي n'a pas insisté. لماذا؟ لأن celui qui rend visite خاصة من بعيد, comme dans cette قصة, il venait d'un autre pays. À leur époque, c'était encore plus difficile. C'était à pied ou sur une monture, à chameau, etc. Là, chacun d'entre eux, il a des autres choses à faire. Peut-être qu'il doit visiter un autre frère. Peut-être que sa famille l'attend, peut-être qu'il a des choses à faire. Fi hadha al-hal, la bas de demander comme fa'ala hadha al-imam, est-ce que tu peux rester encore plus 10 jours? Et si il dit là, alhamdoulillah. Pas besoin de insister. Ba'dhum ils insistent fi ma yata'allaq bil-dhiyafa hatta yamat à l'aise, ou yamat mal à l'aise plutôt leur frère. Et ça, c'est pas min husn al-adab. Hakada pour manger. L'insan, il ne doit pas insister. Si tu sens vraiment annahu, il est timide ou il n'ose pas, enfin, tu le mets à l'aise avec une kalima tayyiba. Ils insistent. Hatta même si tu n'as plus faim, ils insistent. Ça met beaucoup mal à l'aise. Qala Abu Hatim rahimahullah, annasu fi ziyarati ala dharbayn. Deux catégories de personnes concernant az-ziyara, et la visite. Faminhum man sahaha al-hal بينه وبين أخيه وتعرى عن وجود الخلل وورود البغض فيه فإذا كان بهذا النعت أحببت له الإكثار من الزيارة والإفراط في الاجتماع لأن الإكثار من الزيارة بين من هذا نعته أي وصفه لا يورث الملالة والإفراط في الاجتماع بين من هذه صفته يزيد في المؤانسة. La première catégorie, أي un frère في الله qui te visite avec un bon comportement. Et là, chacun, si tu le reçois, tu te réjouis et tu espères qu'il reste et tu espères qu'il revienne le plus souvent possible. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, لم يستحكم الود بينه وبين من يواخيه، ولا أداهما الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلان لمهنتيهما. نعم، المهنة أي المهنة une spécialité, une profession, un métier. قال فإذا كان بهذا النعت أحببت له الإقلال من الزيارة، لأن الإكثار بينهم مما يؤدي إلى الملالة، وكل مبذول مملول وكل ممنوع ملذود. نعم، الضرب الثاني la deuxième catégorie أنه قد يحصل une زيارة من شخص ربما ça se passe mal pour diverses raisons. ففي هذا الحال الإنسان لا يكثر. S'il sent que celui qui l'a visité il est mal à l'aise أو غير ذلك qu'il a cité، نعم، يرتفع الحشمة بينهما فيما يبتذلان إلى آخره. فهذا ça dépend، c'est du cas par cas هذا. وعلى كل حال المسلم يصبر على أخيه. Si ton frère il t'a visité، فالأصل à la base c'est qu'il t'aime. S'il t'a visité à la base c'est personne ne l'a forcé، il est venu c'est parce qu'il veut te voir. فالحمد لله المسلم يحسن الظن بأخيه. كذلك سيف ومن أخيه pendant cette visite شيء، فالنصيحة بينهما le conseil le rappel لا شك أنه avec tout cela يحصل خير. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة. Beaucoup de hadith ils ont été rapportés عن النبي صلى الله عليه وسلم sur le fait de ne pas multiplier الزيارة أي la visite. الإكثار ça peut être إما dans la même visite pendant un long moment 3 jours 4 jours 10 jours et l'insan il est encore là أو الإكثار de façon répétitif il a visité مثلا ce week-end ثم l'autre ثم un troisième. فجاءت أحاديث فيها نفي الإكثار أن النبي صلى الله عليه وسلم il a déconseillé de multiplier les visites. قال حيث يقول أي هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا. قال إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل. دونك ابن حبان إلى ضعف هذا الحديث et tous les hadiths qui vont dans ce sens. أي le fait que le Nabi صلى الله عليه وسلم il aurait déconseillé de multiplier les visites. مثل هذا الحديث زر غبا تزدد حبا. زر غبا أي n'enchaîne pas les visites. Zurriben ay de temps en temps ta visite. Tazdad hubban, tu seras encore plus aimé. Wa hadha la shak fi, même si le hadith la shak annahu fihi dha'f. Même si مثلاً dans ma nuskha al muhaqqiq il a cité plusieurs turuq et Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi il a sahah al hadith avec toutes ses chaînes de transmission, il l'a authentifié. Lakin il y a aucun doute anna beaucoup ou toutes ces chaînes de transmission fiha shay. Toutes ces chaînes de transmission, il y a une faiblesse. Bard al-Ulama, avec toutes ces chaînes, toutes ces narrations, ils ont imma rendu le hadith hassan ou sahih, comme il a fait l'imam al-Albani, rahimahullah, et d'autres savants, ils ont va'af le hadith. Khassatan, certaines chaînes de transmission, fiha va'af shadid. Mais Bard al-Ulama, hakamu alayha bil wada'. Certaines narrations, elles sont inventées. D'autres, dans l'isnad, dans la chaîne de transmission, il y a des rapporteurs très très faibles. فالذي يظهر أن الحديث إليه ضعيف. كما قال العلامة المعلمي رحمه الله. Il a dit الصحيح أنها حكمة قديمة. هكذا قال رحمة الله عليه. Et c'est ça الذي يظهر. أنها c'est une حكمة. C'est une parole de sagesse. فلهذا dans une رواية parmi celle que le محقق il a cité عن عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير رحمة الله عليه il a rendu visite à Aïcha radiallahu anha, sa tante, et il a cité cette kalima. Et il l'a cité en disant kama qala al-awwaloun ou bihadha al-ma'na. Il n'a pas dit qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit là, il a dit comme il disait les gens avant. Thumma il a cité zur ribban tazdad hubban. Fahadha al-ladhi yadhar. أنها هذه الكلمة من حكمة من بقول دو ساجس ولا شك أن المعنى إلي صحيح dans certains cas كما سيأتي ابن حبان il a rapporté certains vers de poésie طيبة في هذا نقرأها. قال رحمه الله le vers de poésie numéro 354 وأنشدني الخلادي قال أنشدني أحمد ابن محمد الصيداوي قال عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا. Ça, à la Koulihan, c'est pas dans tous les cas. Lakin, ça peut arriver. فالإنسان لابد من حكمة. خاصة quand tu sens que ce frère que tu as visité, أنه il est dérangé ou أنه il n'était pas prêt إلى آخره, فلا تكثر عليه. Surtout quand tu sais qu'à tel moment, مثلا, il est occupé, فلا تكثر عليه. لماذا؟ قال عليك بإقلال الزيارة إنها. أي, ne multiplie pas les visites. قال إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا. Ça peut être une cause de hajr. كم من الناس ils se sont visités et pendant cette visite ils ont une dispute pour une raison quelconque. ثم ça terminé par الهجر. أنهم ils se sont tourné le dos. لا سلام ولا كلام. فضلا عن الزيارة. فعلى كل حال الإنسان في هذا الحال il regarde. قال فإني رأيت القطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذ هو أمسك. هذا مثل طيب جدا. Il a cité l'exemple de la pluie. قال رحمه الله فإني رأيت القطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذ هو أمسك. نعم. Si il pleut trop, فلا شك أن les gens ils espèrent que ça s'arrête. لماذا؟ لأن quand il pleut trop, ربما ça peut causer des أضرار. Ça peut causer des choses, des pertes dans certains, dans certains, dans certaines choses, agriculture ou autre. قال ويسأل بالأيدي إذ هو أمسك. Et quand il ne pleut pas, النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الاستسقاء. Tellement que c'est important, dans notre dîn, on a une salat spécifique pour demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Salatu l'istisqa. Ça nous montre quoi si on fait le rapport l'un avec ziyaratu al-ikhwan? Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'un ziyara, ça peut devenir lourd. Et كذلك, الزائر والمزور, il n'apprécie plus. لماذا لأن ça devient une routine. أما de temps en temps, c'est comme la pluie. C'est comme la pluie. Ils vivent dans des pays pendant des mois. Il ne pleut pas. Et quand il pleut, tu vois Al-Farah fi wujuhin nas. Tout le monde est réjoui. Tout le monde est content. C'est une ni'ma azima. Fahakada az-ziyara. Kadhalik, ils vivent dans des pays, il pleut toujours. Et quand il fait beau, au bout d'un mois, deux mois de pluie, quand le soleil il apparaît, fayafrahoun jiddan. هكذا on doit être نحن في زيارتنا. الزيارة c'est une زيارة. C'est pas l'iqama. C'est pas résider chez le frère. Là c'est زيارة. Une visite. Et كذلك deux choses on répète. La durée de la visite elle-même. Qu'elle ne soit pas trop longue pour ne pas gêner هذا الأخ. وهكذا le nombre de fois. Ne pas multiplier. Et tout ça ولله الحمد c'est معروف عند الناس. ثم un dernier vers de poésie. قال وأنشدني ابن أوس أحمد ابن محمد ابن أوس لأبي تمام وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجاته فرحلنا تتجدد ألم ترى أن الشمس زيدت محبة إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمدي. C'est la même chose. Dans certaines contrées, خاصةً les pays scandinaves au nord, فأحياناً certaines périodes dans l'année, pendant des mois, ils ne voient pas le soleil. Et أحياناً pendant des mois, ils ne voient pas la nuit. فلا شك أن quand après 2-3 mois de nuit, quand il fait jour, فلا شك أنهم ils se réjouissent. وهكذا بالعكس. C'est le même exemple que celui cité auparavant. والله تعالى أعلم. On peut conclure هذا الباب avec certains points importants. Comme on a fait le tambih dans le bab précédent, min ahaq an-nas bi az-ziyara, c'est les parents, al-walidan wal-aqarib. Al-walid wal-walida, ton père et ta mère, wa hakadha al-aqarib min akh aw ukht aw am aw amma etc, les oncles, les tantes, frères et sœurs. Haoula c'est min ahaq an-nas biz-ziyara. لماذا؟ لأن في حقهم الزيارة سين زيارة سين فيزيت Et kadhalik, c'est une sila. C'est une sila. Et c'est des liens de parenté qui sont entretenus. Et on a déjà cité plusieurs fois al-adilla fi hadha al-bab. Enfin, c'est pas mine al-hikma de délaisser la visite des parents. Khassatan quand l'insan il a grandi. On a déjà cité, on le répète, c'est très très difficile pour le père et la mère. Du jour au lendemain, leur fils ou leur fille, ils se marient et ils se retrouvent seuls. Et ahyanan, ce fils ou cette fille, il se déplace dans une autre ville, dans un autre pays. Tant que ce fils ou cette fille, ils peuvent. Amma la ziyara ou l'attisal. L'il-assaf, leur déplacement, c'est pour une ibad azim. Imma hajj, imma umra, imma talab ilm. Et tu les trouves, alors, ils ont presque aucun contact avec leurs parents. Ça, c'est pas min al-shukr. Ça, c'est pas min al-adab al-islamiyya. Là, si tu peux les appeler tous les jours, wallahi, fais-le. Sans rester des heures, bien sûr. Ou une fois tous les 2 jours, ou une fois par semaine. Ça dépend, chacun avec ses parents, comment il est. Amma al-ba'd, wallahi, shahr, ou 3 ashur, ou 4, ou 5, ou 6, et tu les trouves, ils ont presque aucun contact avec leurs parents. Avec kadhalik, c'est min qaswati al-qalb. Ça, c'est de la dureté dans le cœur. Ha'oula, ils ont un haqq azim jiddan, qu'on a déjà cité, qu'on répétera pas, huna. Ils ont un haqq azim, les parents. Et alhamdoulilah, même si tu ne peux pas faire ziyara physiquement, c'est dur, celui qui est dans un autre pays pour certaines raisons. Et alhamdoulilah, les parents ils comprennent ça. Là, on vit à une époque, on peut faire ziyara avec le jawalat, avec le téléphone. Et ça, c'est une ni'ma azim. Ce jawal, on en a déjà parlé, ça peut être un énorme bien, ça peut être un énorme mal. Parmi les biens de ce téléphone, Anna, tu peux appeler tes parents, walillahilham. Et encore plus à notre époque, Anna, c'est devenu pratiquement gratuit. Une connexion, alhamdoulilah, tu peux parler pendant longtemps. Enfin, on fait attention de ne pas être négligent envers elle. Les malades, on le répète, Anna, ne pas visiter ses parents ou ne pas les appeler, ça les blesse, même s'ils ne te le disent pas. Encore plus quand ils entendent et ils savent que tu as visité un tel, que tu parles avec un tel, et hum, qu'annahum, ils sont laissés de côté. فلنتقي الله جميعا même si c'est des kuffar. قد يقول قائل ما ولله الحمد je me suis converti mes parents c'est pas des musulmans même si c'est des kafar. Hadith Asma il est معروف. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a conseillé d'accueillir sa mère. و في القرآن دي أدلة في هذا كثيرة. على كل حال كفار ou pas ça reste des parents. Et si c'est des musulmans ils ont encore un حق أعظم. فهذا دوزيام بوان كذلك من الزيارات النافعة سي زيارة أهل العلم visiter les gens de science خاصة quand on fait الحج أو العمرة لأن dans ces deux cas c'est le moyen le plus simple qu'on a en général pour visiter les gens de science في المملكة. Et à l'al-hal, celui qui fait al-hajj ou al-umra, et on a lu le athar de Waqi', rahmatullah alayhi, de l'Firyabi plutôt, quand Waqi' il a visité Abdullah ibn al-Mubarak, فهذا, visiter ahlul ilm, quand on fait al-hajj ou al-umra, c'est important. Si tu as la niya de ziyara de ton frère, il y en a ce savant, ça reste ton frère mu'min, tu as hadha al-ajr azim qu'on a vu ensemble dans ce livre. كذلك une autre niya, tu mets niya talab al-ilm. Même si c'est un jour, tu as l'intention d'apprendre, de profiter. Robama une fa'ida, tu vas l'écouter de ce savant. Robama une mas'ala, une réponse, tu vas entendre à une question. Ça va t'ouvrir les portes fi dunya qabl al-akhirah. Ne pas négliger hada, ne pas perdre son temps. Fi dhalik al-balad al-tayyib, quand on fait le hajj et al-umra, que pour des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Voilà, l'insan, quand il fait le hajj ou l'umra, bien sûr, il se concentre sur ce qui est lié au manasik, les rites du hajj ou de l'umra. Et min a'zam al-maqasid hunak, c'est de profiter fil ilm. Que ce soit dans le haram al-makki ou le haram al-nabawi ou autre inda ahl al-ilm. Kadhalik, et le dernier point qu'on peut citer, c'est ziyaratu al-marid. Et بعض العلماء يقولون ان le mieux c'est de dire عيادة المريض concernant le malade, on dit iyada, les malades, et annahu, il est malade. Fa'iyada tout le marid, Annabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé al-mu'minin à visiter les malades. Kama ja'a fi hadith Thawban radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة celui qui rend visite à un malade tant qu'il rend visite à ce malade durant cette visite qui peut durer une heure, deux heures فلم يزل في خرفة الجنة il est dans خرفة الجنة ils ont demandé au prophète عليه الصلاة والسلام ما خرفة الجنة c'est quoi خرفة الجنة قال عليه الصلاة والسلام جناها الحديث اللي في صحيح مسلم دونك النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu جناها الإمام النووي رحمه الله il a expliqué ce mot قال أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها أي c'est une cause cette visite de malade pour que بإذن الله عز وجل il rentre au paradis يوم القيامة et il profitera il cueillera les fruits de الجنة فلا visite de ce malade في الدنيا Quand il rend visite à ce malade, c'est comme s'il était fil jinn dans un jardin et cueille des fruits. Al-Imam Nawawi rahimahullah, il explique que c'est une cause pour que al-mu'min rentre yawm al-qiyama fil jinn, le paradis et cueille des fruits du paradis. Fadlun azim. Et كذلك on a cité quelques fawaid pour le malade. Lakin on le répète, hadhihi al-ziyarat, que ce soit les parents, les proches, un ami, les savants, les malades ou autres. Parmi ceux que tu comptes visiter, la bud min mulazamati al-adab. Al-mu'min, il doit faire attention. Khassatan l'heure. Et ahyanan, certaines visites, tu as besoin de prévenir. Matalan, l'hôpital, il y a certaines heures, tu ne peux pas aller quand tu veux. Les savants, ahyanan, pour visiter, il faut prévenir. Ou il faut visiter dans une période où les gens y visitent. Les parents, en général, ça ne pose pas de problème. Lakin, certains proches ou certains amis, كذلك يقول استئذان prévenir un jour deux jours avant ان شاء الله تعالى tel jour on compte te visiter لماذا لان certaines visites ça demande une préparation ربما الاخ dans quand il s'attend pas à visiter il n'est pas prêt à recevoir quelqu'un اما chez lui اما مهم des choses qui sont connues عند الجميع فلهذا prévenir c'est مهم كذلك l'heure on l'a déjà cité كذلك عند المريض خفض الصوت ne pas élever la voix خاصة si c'est un hôpital il y a des malades etc adab qu'on a déjà cité abondant certains d'eux c'est on essaiera de traiter ما يتعلق بالمريض concernant le malade c'est très très important هذا ما يتعلق بهذا الباب المفيد زيارة الإخوان وإكرامهم كذلك الإكرام أن في هذه الزيارة فكما تقدم معنا الإكرام ولو بالكلام الطيب الإكرام c'est pas forcément avec du matériel lui donner quelque chose là celui qui donne الحمد لله celui qui ne vient pas les mains vides فهذا طيب لكن ولو الإكرام بالكلام الطيب بالنصح فهذا كله تقدم ولله الحمد on doit pas négliger هذا الحقيقة à notre époque on a des manquements في هذا on a des manquements لماذا لأن le fait d'être occupé par Ad-Dunya, كذلك les cœurs ils ont durci, كذلك أحيانًا on oublie la récompense énorme. Ça peut être une cause pour qu'Allah t'aime. Il a akhiré, on ne doit pas négliger هذا. خاصةً إخواننا qui sont في غربة. Et on vit dans une époque de غربة. Tu trouves بعض الإخوة, ils sont seuls dans une ville, dans une région, encore plus في بلاد الكفر. Certains frères, ils ont la pression de la famille, ils ont la pression de l'État, ils ont la pression des voisins, ils ont la pression de Jamir Nas. Ils sont firour batin shadid. On ne doit pas les oublier pour celui qui a la capacité, bien sûr. Une visite, et ça lui fera énormément de bien. Sans parler des récompenses de l'au-delà qu'on a déjà citées. At-tazawur baynana. At-tazawur baynana, c'est très très important. Et on le répète, walou bil-ittisal, walou avec un message, fahada. في خير عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونكتفي بهذا et on passe à la deuxième partie إن شاء الله